La confession par Henri Barbusse. Effaré, avec un gémissement sourd, le paralytique sentit venir la crise. Il savait bien que ce serait la dernière. Il le savait à quelques mots échappés naguère devant son attention embusquée de malade, puis à l'épouvante avec laquelle on avait fait autour de lui le silence sur ces choses. Il allait mourir. Et personne ne se doutait que le moment extraordinaire était venu, puisqu'on l'avait laissé seul, cet après-midi, dans le manoir, assis, tombé dans son fauteuil, près de la baie. Depuis des heures, il s'immobilisait là, comme les meubles et les statues, et regardait le paysage s'étendre et le ciel s'envoler toujours. Il allait mourir. Alors sa bouche exhala une plainte rauque, et ses yeux se terrifièrent, à cause d'une image qu'il fixait. Ce n'était pas celle de la vie trop tôt quittée. Ce n'était pas celle de sa femme, adorée, tendre, proche, et qui parfois, à son chevet, miraculeusement, souffrit presque ses douleurs. Non, c'était l'autre, que le moribond éperdument voyait, la femme qu'il n'avait plus revue. S'il était hanté, au seuil de l'agonie, par celle qui avait été la maîtresse d'un jour, c'est que depuis si longtemps elle n'avait, dans son humble exil, que lui pour s'occuper d'elle, que lui au monde pour la faire vivre. Et voilà qu'il était tué tout d'un coup. Alors, comment ferait-elle pour ne pas mourir, ignorant même du vrai nom qu'il portait, incapable de travailler, vieilli, ayant besoin d'être sauvé quotidiennement? Ah, il fallait révéler ce secret trop bien gardé, hélas. Tout s'effaçait devant ce devoir urgent, tout de suite, le dire à n'importe qui, le jeter hors de son naufrage, au premier visage humain qui viendrait. Rassemblant ses forces, il appela. La porte trembla, s'ouvrit, et une petite fille fit son apparition. Elle était toute fine, et la lumière s'amusa à faire dans ses cheveux blonds une vraie auréole. Elle se campa dans le si grand et si mignon resplendissement de ses 8 ans. « C'est moi, papa, » dit-elle. Il gazouilla, explicative, avec des gestes. « Ils sont tous partis en promenade, tous, et aussi Laure, et ma tante, et Brunois en dernier. Moi, je suis là. » À jouer dans l'étude parce que j'étais puni. Ils sont tous partis. Il n'y a plus que moi, conclut-elle fièrement. Le silence revint, lugubre. L'homme pâlissait. Écoute, Zanette. Elle s'approcha. Il parlait très lentement, avec un énorme effort. Je vais te raconter une histoire. Écoute. Il y avait une fois. Il s'arrêta court. Elle écoutait, ouvrant à demi sa toute petite bouche semblable à un cœur de rossignol. Il changea d'idée, il reprit, tandis que masque blême s'étendait sur sa face. « Je vais te dicter. » Elle courut vers la pièce voisine. « Que j'ai cherché mon ardoise. » Elle revint avec, s'installa. « Dicte, » ordonna-t-elle. « Il faut, » commença-t-il avec sa voix inerte. « Et le titre ?» interrompit Zanette. « Confession, » dit le père. « Confession, » articula la petite tête appliquée à mesure que le crayon de pierre traçait bruyamment en gros les lettres du titre. Après, la voix reprit, très calme, du fond de l'invisible agonie. « Il faut que je parle. Je demande pardon à celle à qui cette suprême prière est adressée, du pur et angélique intermédiaire. Attends !» Elle effaça, s'impatienta, tapa du pied, puis leva la tête, le crayon en suspens. « Je ne sais pas du tout comment ça s'écrit, » fit-elle piteusement. Il ferma les yeux, harassé, et dicta lentement le mot. « Je me marque une faute, » dit la consciencieuse Annette. « Qu'il soit préservé par son innocence même et qu'il transmette le secret sans en être touché. »« Oh, c'est des grandes phrases !» hasarda l'enfant. « Mais ça ne fait rien. Après, il y a, dans ma vie, une pauvre femme très pitoyable, très digne d'intérêt. Voilà longtemps. » Longtemps qu'elle n'est plus jeune ni jolie. C'était avant le mariage. Il calcula mentalement les dates, rapprocha les âges. Non, le pieux mensonge n'était pas possible. Il se reprit tout doucement. N'écris pas cela, Zanette. Écris. Ce serait une injustice de l'accuser, car elle ne mérite aucun reproche, au contraire. Mets une barre sous les derniers mots. Pourquoi ? Pour qu'on comprenne bien tout ce qu'ils veulent dire. » Le crayon fit entendre un trait, mais il se cassa. L'enfant s'interrompit pour le tailler. Puis elle regarda son père. « Dis, c'est arrivé ce que tu me dictes ?»« Non, » répondit-il. « Ah, tant mieux, » fit-elle en reprenant sa pose écouteuse. « Il n'y a que moi au monde qui m'occupait d'elle. Il faudrait lui donner de quoi vivre. » L'homme se tut. Immobile, il se débattait. Il ne pouvait plus se débarrasser de la formidable préoccupation de la souffrance physique. La petite figure divinement ignorante et insatiable se leva. « Et après ?»« Après ?» balbutia-t-il. Il se remit, ébloui, à son œuvre. « Pardon, ma Zanette, je sais mal. »« Oh oui, alors tu sais mal. »« Il faudrait surtout, » reprit-il d'un ton plus sourd, plus lourd, « ne pas lui faire sentir. Il y a... »« Ne pas lui faire sentir quoi ?»« La phrase n'est pas finie, » fit remarquer l'exigeante écolière. « D'autres la finiront mieux que moi, » dit le père. « Écris, ma chérie. » « Car rien, même au commencement, n'a été de sa faute. Depuis bien des années, tout était fini, et je n'ai jamais eu ni la lâcheté de l'abandonner, ni le courage de l'avouer. « C'est drôle, » murmura la petite fille, « cette histoire où il y a toutes sortes de choses. » Le crayon courut, puis s'arrêta, prêt. « Il faut bien dire le nom, l'adresse, c'est... mais n'importe quel nom. » Tremblota-t-il misérablement. « Tiens, par exemple, Jeanne. »« Oui, Madame Jeanne. »« Et une rue, voyons. »« Une rue de Paris. »« Tiens, rue Blanche. »« Oui, rue Blanche. »« Blanche, il faut aussi un numéro, » constata-t-elle. « Numéro 25, » dit-il tout bas. Il ferma de nouveau les yeux. Ses traits semblèrent se creuser. Sa bouche se tordit, s'entr'ouvrit, pour un cri que lui seul entendit. L'enfant surprit ce ravage. Elle détourna la tête, prise de crainte. Il était là, tout près d'elle, cloué, mais effrayant. On aurait dit un lièvre pris au piège. Elle trembla, puis s'enhardit pourtant. « Tu vas voir plus mal ?» Le cou de l'homme fléchit un peu. Sa tête baissa d'un cran. Il fit entendre une voix, plus faible, plus rassurante. « Non, je vais ne plus avoir mal. Écris encore. Pardon, pardon. » « Pardon. » Trois fois, on peut répéter comme ça les mêmes mots. « Moi, je peux. C'est fini. » Elle se leva, déposa l'ardoise, battit l'une contre l'autre ses petites mains pour faire partir le blanc, et dit avec conviction « Je ne fais pas de grosses fautes, mais je fais tout le temps des quarts de fautes. Veux-tu que je te tienne ma dictée pour que tu la voies ?»« Non. » Il sentait le jour vaciller autour de lui. Il voyait le monde mourir. « Mais tu la montreras à ta maman ?»« Oui. »« Bien sûr. »« Oui, oui. »« Laisse-moi maintenant, Zanette. Va jouer. » Il n'osait plus ouvrir les yeux, bien que la fillette brillât tout près, si précieusement. Il aurait fait peur, en lui montrant les ombres qui l'emplissaient. « Bah, ne me regarde pas. Dépêche-toi d'aller jouer. »« N'oublie pas de dire à ta maman de lire. » Elle s'en allait à reculons. Elle s'arrêta, obscurément surprise de cette insistance. Mais tu lui diras bien, toi. Il rouvrit les yeux. Le souffle de sa voix fut aussi faible que son regard. Oui, oui, mais dis-lui, toi, si je ne suis pas là. C'était La Confession par Henri Barbusse.